Avec la deuxième partie, je vous avais donc annoncé au début que nous allions discuter donc de cette université d'hivernage Joseph Kizerbou. Donc mon collègue qui est ici présent, Hamzat Boukhari Yabara, que vous avez déjà entendu dans le cadre de l'émission. Hamzat est historien de formation. Donc tu as assisté donc à cette université d'hivernage de la fondation Joseph Kizerbou le 8 et 9 août dernier. Ça s'est tenu à Ouagadougou. Peut-être donc une question de départ avant de rentrer dans la thématique et sur les interventions que tu as fait dans le cadre donc de cette université. Nous rappeler brièvement qu'est-ce que la fondation Joseph Kizerbou. Joseph Kizerbou, il est connu comme historien. Donc revenir un peu sur le personnage et la fondation plus largement, s'il te plaît. Oui, donc effectivement, Joseph Kizerbou, c'est l'un des grands noms de l'histoire africaine. C'est un grand historien africain qui est né en 1922 à Touma, dans ce qui était à l'époque la Haute-Volta. Qui va faire des études d'histoire en France à la Sorbonne et à l'Institut d'études politiques de Paris, qui va être agrégé d'histoire en 1956. Donc c'est à la même époque que les Cheikh Diop, que les Abdoulaye Li. Et c'est également l'époque dans laquelle se met en place tout le militantisme estudiantin en faveur notamment de l'indépendance. Donc Joseph Kizerbou, dans les années 1950 et 1960, va être un fervent militant politique panafricain. Il va accompagner Patrice Lumumba, il va accompagner Kwame Nkrumah dans cette vision d'un mouvement de libération nationale qui permettrait donc l'émergence d'une Afrique libre et indépendante. Et dans les années 60 et 70, il va produire également un certain nombre de travaux. Donc le plus connu est son Histoire de l'Afrique noire, publié en 1972. Et il faut bien comprendre que Joseph Kizerbou va mettre en place un certain nombre d'institutions. C'est une institution en lui-même, ce personnage. Dans les années 70, il est au conseil exécutif de l'UNESCO. Il est également secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Et dans toutes ses activités, il va notamment gérer le projet donc de l'écriture de l'histoire générale de l'Afrique par l'UNESCO, en imposant sa vision de la longue durée au niveau de l'histoire, en imposant une nouvelle méthodologie historique et en promouvant également un savoir engagé dans l'action sociale. Donc il va créer le Centre d'études pour le développement africain à Ouagadougou, le CEDA. Puis ensuite, il y aura quelques difficultés politiques au moment de la révolution burkinabé qui font qu'il devra s'exiler à Dakar, où il va donc créer le Centre de recherche pour le développement endogène. Donc dans ces années 80, il va participer à la vie politique, il va également participer à la vie académique, puisque de 1975 à 2005, il a été président de l'Association des historiens africains, il a été également homme politique. Donc toutes ces institutions, toutes ces personnes qui sont passées par Joseph Kizerbou vont ensuite chacun suivre leurs itinéraires. Et au début des années 90, il va revenir au Burkina Faso, il va essayer de participer à la vie politique, puis ensuite il va devenir l'un des intellectuels auprès de qui la nouvelle génération montante va aller prendre des conseils. Donc en 2004, il y aura la publication de ce fameux entretien avec l'historien suisse René Hollenstein, donc « À quand l'Afrique ?». En 2005, il va être produit un documentaire Identité pour l'Afrique, réalisé par Dany Kouyaté. Et donc en 2006, en décembre 2006, Joseph Kizerbou va malheureusement décéder. Et donc son décès va être un grand moment dans l'histoire du Burkina, dans l'histoire de l'Afrique et dans l'histoire intellectuelle. Beaucoup de personnes vont lui rendre hommage. Et c'est dans cette lignée que, à partir de janvier 2010, la fondation va être créée pour en fait pérenniser tous les travaux et toutes les institutions et toutes les idées qui avaient été promues par Joseph Kizerbou. Bon, merci infiniment Hamzat pour tout ce rappel historique. Et donc j'invite les auditeurs et les auditrices à se procurer les ouvrages de Joseph Kizerbou, notamment l'Histoire générale de l'Afrique, publié chez Atier en 72. Et tu as évoqué donc l'Histoire générale de l'Afrique qu'il a dirigé à l'UNESCO. Je rappelle d'ailleurs que ces trois ouvrages qui regroupent les une bonne palette des meilleurs historiens du continent. Ce sont de très beaux ouvrages introductifs pour ceux qui ne sont pas a priori versés dans l'historiographie africaine. En tout cas, ce sont des 3 tomes qui sont peut-être chers, mais qui peuvent se trouver dans toute bonne bibliothèque, et que ça devrait être la référence pour tout étudiant qui amorce une réflexion sur le continent africain. Donc on peut les trouver à l'UQAM notamment. Moi je sais, en ayant étudié là-bas, que cette bibliothèque les possède. Oui, effectivement, il y a plusieurs versions. Il y a une version abrégée en poche avec 8 tomes, et il y a une version effectivement plus volumineuse. Et l'UNESCO a relancé le projet d'une nouvelle écriture de l'histoire générale de l'Afrique, qui aurait dû être financée par le régime, par le guide libyen, mais malheureusement, donc les événements font que le financement de ce projet est pour le moment en suspens. Voilà. Alors, dans la fin, si tu veux, de ton rappel historique autour de la figure de Joseph Kiserbo, donc ce grand historien du continent. Tu as évoqué la fondation Joseph Kiserbo pour l'histoire et le développement endogène de l'Afrique. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus, et plus particulièrement en mettant l'emphase sur l'idée de développement endogène et qu'est-ce qu'elle signifie et sa pertinence pour le continent dans la conjoncture actuelle? Alors, l'idée du développement endogène, c'est tout simplement de partir des réalités sociales, économiques, politiques et culturelles de l'Afrique, et les prendre en compte pour en fait mettre en place de nouveaux paradigmes qui seront beaucoup plus pertinent pour promouvoir l'action sociale et l'action politique. Donc c'est quelque chose qui met en avant les ressources humaines, donc qui favorise les autodidactes, qui favorise les travailleurs, qui favorise les mouvements de femmes, les mouvements d'étudiants, et qui est, entre guillemets, on pourrait dire anti-élitiste. Il s'agit en fait de réfléchir à d'autres options, à d'autres alternatives par rapport aux modèles qui sont imposés depuis les grandes institutions. Donc il y a une dimension qui est réellement subversive dans cette idée d'endogénéité, et il y a également une dimension de développement, c'est-à-dire comment se développer à partir de nos propres ressources et comment faire en sorte que nos ressources profitent finalement aux populations. On a parlé du cas du Congo tout à l'heure. Le Congo est un scandale géologique. Il y a énormément de richesses au Congo, mais absolument rien de cela ne profite aux Congolais. D'autres pays connaissent des croissances à 2 chiffres en Afrique, mais cela ne profite absolument pas aux Africains. Donc nous sommes dans une situation où beaucoup d'Africains, beaucoup d'économies africaines sont en train de mourir, mais de mourir en bonne santé, parce que les chiffres sont bons, les statistiques sont bons, mais dans la réalité, sur le terrain, les choses ne sont pas bonnes. Et l'idée d'un développement endogène, c'est de contrer justement cette vision purement statistique et purement économique de l'Afrique, et de proposer d'autres options qui vont réellement s'appuyer sur la réalité sociale, sur les besoins sociaux des populations. Alors, merci beaucoup Hamzat pour l'éclaircissement justement sur cette idée de développement endogène qui anime d'ailleurs l'esprit de notre émission. Je voudrais revenir un petit peu en arrière pour te poser une question qui va peut-être qui va te permettre surtout de revenir sur la figure de Joseph Kiserbo, mais la question que j'aimerais te poser comme ça brûle pour point, c'est qu'est-ce qui reste et quel héritage nous avons de cette figure et comment elle est incarnée aujourd'hui, et en tout cas cet héritage, est-ce que tu l'as senti un peu dans les différentes présentations qui ont eu lieu dans le cadre donc de cette université d'hivernage qui s'appelle hivernage, d'ailleurs c'est un terme curieux auquel je suis pas habitué, une université d'hivernage qui se tient au mois d'août. Oui, enfin c'est une université hivernale. Disons qu'on part du principe que nous sommes dans les pays du Sud et que les saisons sont inversées, et on a retenu ce terme de manière provisoire et officielle. D'ailleurs, l'année prochaine au mois d'août, il y aura une deuxième édition de cette université. Là, il s'agissait de la première université organisée donc par la Fondation Joseph Kiserbo et le Centre international Joseph Kiserbo. Donc il faut savoir que ce sont des événements qui sont organisés avec très peu de moyens. On n'a pas eu énormément de couverture médiatique, mais nous avons quand même réuni lors de cet événement une centaine de participants. Alors la quantité n'est peut-être pas énorme, mais je crois qu'il y avait à cet événement de la qualité, un certain nombre de chercheurs à la fois du Burkina, mais également de la sous-région, et également de la France et du Canada étaient présents. Il y a eu un certain nombre de communications qui ont porté notamment sur la question du régionalisme africain et de la manière dont l'Afrique devrait se positionner par rapport à l'OMC. Donc une conférence qui a été donnée par Ousseini Ili, qui a notamment insisté sur un point qui est en fait la nécessité de repenser notre rapport au monde et de prendre en compte en fait toutes les options qui nous permettraient de construire notre propre réglementation juridique, économique et commerciale en fonction d'abord de nos priorités et de nos intérêts. Donc il y a également eu d'autres interventions, notamment une conférence de Laurent Ilboudo, qui a évoqué la vision d'un économiste coréen, Ah Jun Chang, qui s'est intéressé en fait à la bifurcation entre l'Asie et l'Afrique. Donc on a coutume de dire que l'Asie et l'Afrique jusqu'aux années 60 étaient à peu près à égalité, puis que l'Asie a connu un décollage et que l'Afrique est entrée dans un déclin dont elle ne s'est pas relevée. En réalité, il a montré que les choses étaient beaucoup plus complexes et que beaucoup de choses tenaient tout simplement de l'idéologie économique au-delà des liens néocoloniaux. Il y a eu également une conférence donnée par Issaka Sadia qui, lui, de manière très intéressante, a parlé des droits de propriété intellectuelle et de la protection des expressions culturelles et des savoirs traditionnels en Afrique. Alors, on a parlé du Congo, des mines, des minerais, etc. Mais il ne faut pas oublier également que l'Afrique est pillée au niveau de ses plantes, au niveau de ses plantes médicinales. Il y a un certain nombre d'industries pharmaceutiques qui sont très présentes en Afrique, notamment au Congo. Et ce genre de défi posé par la présence de ces laboratoires pharmaceutiques impose aux Africains de mettre en place des processus qui permettraient d'industrialiser eux-mêmes leur savoir traditionnel et leurs savoirs médicinaux. On a également eu une intervention de Bintou Palm qui a parlé d'un séjour qu'elle avait fait en Indonésie, qui s'intéressait à la question du textile. Donc comment se fait-il que l'industrie textile en Indonésie arrive à s'auto-développer, s'auto-financer, alors qu'en Afrique, la problématique du coton est profondément dramatique. Et on a eu également donc une intervention de Dacier qui a parlé de l'intégration pour l'Afrique. Moi-même, j'ai fait deux interventions, donc l'une pour présenter la figure de Walter Rodney et l'autre pour évoquer les questions d'intégration en Afrique de l'Est. Et chacune de ces interventions, on a en fait souligné l'importance d'avoir une vision globale des enjeux, un peu à la manière de Joseph Kizerbo. Alors, on va rentrer dans la substance de ta présentation tout de suite après une petite pause musicale. On va permettre aux auditeurs de souffler pour recevoir ce lot d'informations. Donc une petite pause musicale à vie et puis on revient tout de suite après. Merci Hamzat. Nkonton sunoro forem danetondo nkonton sunoro mkami foye la fokonta ton sunoro mkami foye la mami fofo kwera yinga mkami foye la mami fofo lamtaba yinga mkami foye la mami fofo nisomble mayinga fokonta ton sunoro. minutes, Mouloudi Dzir au micro. Vous êtes toujours à l'antenne de l'émission Mandela sur les ondes de CKUT 90.3 FM. La dernière pièce musicale, une aimable gracieuseté de mon collègue Avi Kenji, tirée donc d'un album qui a pour titre Paspanga, donc le groupe c'est Burkina Electric. La chanson numéro 6, La Voix du Boulgou. Est-ce que ça te dit quelque chose, Hamzat? Absolument. Non, cette fois-ci, ça échappe à ta culture, voilà. Alors peut-être tout à l'heure, avant que je te coupe pour une petite pause musicale, tu as rappelé les deux présentations que tu as fait donc dans le cadre de cette université d'hivernage qui a eu lieu donc au Burkina Faso et qui a été organisée par le Comité international Joseph Kizerbo. Donc une sur la figure de Walter René, donc Walter René qu'on peut, même si il est originaire des West Indies, donc des Antilles, mais il s'inscrit quand même dans ces figures des historiens qu'on peut dire africains qui s'inscrivent justement dans cette vision panafricaniste et qui fait à leur façon la promotion d'un développement endogène. Et la seconde présentation que tu as fait, c'est sur l'histoire panafricaine et socialiste de la Tanzanie. Et Rodney lui-même s'est rendu en Tanzanie. Rodney quand même a fait partie de ce que tu appelles l'école de Dar es Salaam. Donc les liens sont très ténus finalement entre les deux thématiques. Effectivement, les liens sont très ténus. En même temps, Rodney a participé au projet de rédaction de l'histoire générale de l'Afrique. Il avait une vision de l'histoire assez proche de celle de Joseph Kizerbo, c'est-à-dire une histoire globale, une histoire avec plusieurs strates qui se rejoignent, à la fois sociales, culturelles, économique et politique. Ce qui est intéressant concernant la conférence que j'ai donnée sur la Tanzanie, c'est que on oublie souvent que l'Afrique, ce n'est pas un pays, mais c'est un continent entier avec plusieurs régions. Et souvent, quand on est en Afrique de l'Ouest, on ne sait presque rien de ce qui se passe en Afrique de l'Est. On est mieux informé sur ce qui peut se passer au Canada ou aux États-Unis que sur ce qui peut se passer dans un autre pays africain. Par conséquent, Lazare Kizerbo, donc le secrétaire général de la fondation qui m'a invité à l'événement, souhaitait, vu que j'ai travaillé sur la Tanzanie, que j'ai été en Tanzanie, que j'ai fait des recherches là-bas, que j'explique un peu au public qui était présent ce qui se passe en Tanzanie, ce qui s'est passé dans ces années 60-70, où il y avait des débats académiques, politiques, idéologiques et économiques qui ont malheureusement périclité depuis, et que je dresse un certain nombre de perspectives, de lignes vers lesquelles on devrait se tourner pour essayer de relancer cette impulsion, cette dynamique qui permettra en fait de créer d'autres options à la fois politiques, à la fois économiques et à la fois sociales. Alors justement, dans le contexte actuel du continent, qu'est-ce qui à tes yeux, en tout cas ou dans l'échange qui est ressorti des présentations, est vu comme l'obstacle principal à la fois sur le plan structurel mais aussi au niveau des mentalités pour actualiser mais surtout rendre pertinente cette vision du panafricanisme que tu appelles de tes voeux, à l'instar de Joseph Kizerbo, mais une vision du panafricanisme justement arrimée sur cette idée de développement autogène, autocentré, compter sur ses propres forces dans une optique de solidarité entre les peuples, parce que le panafricanisme aujourd'hui, il a quand même plusieurs variantes. Hein. Il y a le panafricanisme à l'Abdoulaye Wad, le panafricanisme du NEPAD, qui est celui du libre-marché. Qu'est-ce que c'est qu'une version, finalement, endogène et progressiste et de solidarité entre les peuples du panafricanisme, compte tenu, si tu veux, de la polysémie que peut revêtir le terme aujourd'hui? Alors, c'est un vaste débat parce qu'on en a beaucoup discuté entre nous lors de cette université hivernale. Enfin, moi, ma position, c'est que déjà, il faut repolitiser les masses. Donc, il faut réintroduire des débats académiques à l'université, des débats contradictoires dans nos rencontres. Il faut être capable de se confronter à l'adversité au niveau des idées et relancer donc toute la dynamique des discussions, des débats. Et dans un cadre politique, c'est-à-dire qu'il faut prendre position sur un certain nombre de problématiques. Et dans le monde actuel, les problématiques se passent à l'échelle globale. Donc il faut avoir une vision internationale des enjeux. Il faut sortir des relations bilatérales pour poser la chose à l'échelle continentale. Alors moi, l'un de mes objectifs en participant à ce genre d'événement, c'est tout simplement d'apporter des idées et de soulever la nécessité de s'organiser, de se coordonner, pour construire en fait des réseaux, des écoles. Je pense que ce qui manque, c'est une école de formation de cadres politiques. Et le dernier qui avait eu cette idée-là, c'était Mehdi Ben Barka. On l'oublie très souvent, Mehdi Ben Barka, mais dans le cadre de la tricontinentale, il voulait faire cette école de formation de cadres politiques qui irait après, dans chacun des pays, défendre l'idéologie, le mouvement tricontinental, défendre les forces progressistes et ensuite proposer un certain nombre de choses aux populations. Mais excuse-moi Hamza de te couper comme ça, mais un des projets qui te semble cher et que tu as déjà défendu, peut-être pas dans le cadre de ce colloque, mais ailleurs, c'est cette idée de parti politique panafricain. Est-ce que tu peux élaborer quels sont les contours que peut revêtir cette idée et qu'est-ce que tu mets finalement sous cette question? Alors, sous cette question, en fait, c'est d'aller à un objectif d'ici une dizaine ou quinzaine d'années, c'est-à-dire d'imposer l'idée des États-Unis d'Afrique dans chaque débat électoral, dans chaque pays. Dans chaque élection, aussi bien au niveau municipal, législatif ou même présidentiel, il faut qu'il y ait un positionnement par rapport à cette idée de panafricanisme, d'intégration africaine, d'États-Unis d'Afrique. Et pour cela, il faut en fait éduquer les masses. Donc il faut créer un certain nombre de personnes qui viendront se former dans quelques lieux bien précis et qui ensuite, entre guillemets, tourneront à l'intérieur du continent et essaieront finalement de développer d'autres options, tout en les liant en fait à un engagement qui est celui de se présenter à un moment ou à un autre devant le peuple dans le cadre d'élections pour défendre ces idées-là, pour que nous ayons au moins une idée de quelle est la prégnance de ces idées auprès de la population. L'objectif, à mon sens, c'est vraiment d'arriver à un référendum continental sur les États-Unis d'Afrique d'ici 10-15 ans. Mais dans ce laps de temps, il faut préparer les gens, il faut les instruire, il faut leur expliquer ce que change le panafricanisme et les États-Unis d'Afrique quand on est un agriculteur dans une région isolée du Burkina Faso. Et qu'est-ce que cela change également pour un entrepreneur, pour un étudiant, pour tout le monde. Et c'est un travail global qu'on ne peut faire seul, mais qu'on peut faire à partir d'un lieu en formant d'autres personnes qui iront ensuite chacun créer, entre guillemets, leur modèle à leur échelle. En dehors, si tu veux, Abzat, du milieu intellectuel et universitaire, comment vois-tu le cheminement de ces idées panafricaines dans d'autres sphères de la société? Est-ce que tu vois que c'est une idée qui chemine? Comment est-ce qu'elle est reçue par le public là où tu l'as exposée? Alors, beaucoup de personnes sont très découragées, ils n'y croient plus, donc la première chose à faire, c'est de les réarmer mentalement et moralement, c'est de les armer intellectuellement en leur expliquant qu'est-ce que signifie très concrètement le panafricanisme, en leur rappelant toute l'histoire du panafricanisme, en leur rappelant l'histoire des révolutions africaines, parce qu'il y en a eu, et vraiment en leur proposant des objectifs clairs et précis à atteindre et en les accompagnant, et surtout, je pense, en refusant de les regarder avec arrogance, en comprenant leurs besoins et en se mettant vraiment à leur niveau pour les élever plus haut. Hamzat, c'est très intéressant et passionnant tout ça, mais je vois qu'il est déjà presque 8 heures. Un point qu'on n'a pas pu aborder, moi et toi, mais je ne sais pas s'il a fait l'objet lors de vos échanges, c'est la distinction peut-être qu'il y aurait lieu d'établir entre les modèles d'intégration régionale et le panafricanisme. On y reviendra peut-être dans le cadre d'une autre émission. Voilà, alors je saisis cette occasion donc pour te remercier, Hamzat, pour cette contribution. Merci également à mon collègue Roberto Nieto. Merci à l'un de nous d'être passé en ondes et à son collègue Jean-Philippe Marquis. Bien entendu, merci beaucoup à Avi Kenji qui assure le travail à la technique. La prochaine fois, on l'entendra au micro, sans doute. Il a énormément de choses à nous partager également. Donc, je vous invite à rester sur les ondes de CKUT. L'émission Jazz Euphorium suit dans quelques instants.